Mie de pain par Henri Lavedan. Alors nous disons, oui, petit pain au foie gras, neuf éclairs, six nougats, et sept madères. Et des jeunes gens corrects, bien habillés, qui veulent tous payer la foi, avancent froidement des pièces d'or sur le marbre du comptoir, tout en plaisantant avec les seins de jolies parisiennes qui remplit la boutique du grand pâtissier Thibault. Chaque fois que la porte s'ouvre, un parfum de croûte de pâté se répand sur le trottoir, et à toute minute sortent les petits marmitons sérieux, portant sur leur tête avec respect, comme le Saint-Sacrement, des mannes odorantes. Dehors, le front collé à la vitre, un grand garçon, vêtu pauvrement, regarde. On est en décembre, pas chaud. Il gèlera sûrement cette nuit. Et le monde va, bien, les passants se croisent, les gens courent à leurs affaires, les sergents de ville soufflent dans leurs doigts, les cochers crient « hop » au moment où ils sentent quelqu'un sous la roue. Paris fait son tapage de capitale, et le grand palot est toujours là, qui regarde. Une jeune femme s'avance, traînant un gros bouffi de 4 ans, tout fanfreluché de dentelle, pareil à un essuie-plume, et qui se fait lourd, pendu aux jupes de sa mère. Il est en train de s'étouffer avec un baba gigantesque. « Maman, et trop de mon gâteau !»« Eh bien, laisse-le, mon enfant !» Et le bébé jette le gâteau, qui va rouler dans le ruisseau. Le palot se retourne, se baisse, avance la main, puis soudain se relève. Bien sûr, il n'est pas dégoûté de ce bel enfant riche, dont les quenottes sont si blanches. Seulement, il y a trop de monde, et il a honte. Il hésite un instant, plonge au fond de ses poches ses deux poings fermés, et part tout à coup, longeant les devantures des magasins. Sans doute il est pressé, car il marche à grands pas. Où va-t-il? Il laisse derrière lui la station d'omnibus, coupe la place du Palais-Royal, prend la rue de Rivoli. Au coin, sous les arcades, un camelot nasillard l'arrête au passage. « Le plan de Paris, avec les principaux monuments, 3 sous, c'est pour rien !» Sans détourner la tête, il continue sa route, traverse la chaussée, s'engouffre sous la voûte du pavillon Marengo, va droit vers la porte ouverte, tout là-bas dans la cour intérieure du Louvre, enfile plusieurs salles blanches et sonores, et s'arrête enfin, muet, sa casquette à la main, comme on fait dans une église. Le musée des Antiques, du silence et du recueillement. Sur une banquette dormait un gardien, bouche béante. Non loin de là, dans l'embrasure d'une fenêtre, une jeune fille en noir copiait la Diane à la biche. Elle avait le teint mat, avec des yeux tranquilles et purs d'enfant studieux, de beaux yeux bruns, qui se levaient sous la déesse de marbre, pour se baisser aussitôt sous la feuille où se promenaient ses doigts, noirs de fusain. La manche, trop courte, laissait voir un poignet délicat, tout nu, à la tache fine, et sur le barreau de son tabouret s'appuyaient ses deux pieds demi-bloutis sous la jupe de laine. Ce n'étaient pas là des pieds d'oisives, mais d'honnêtes petits pieds qui descendaient chaque jour des hauteurs de Montmartre ou de Courcelles, trottant menus dans leurs minces bottines de chevreaux, fatiguées des longues courses à travers les quartiers lointains et mal pavés. Elle travaillait sans que rien vînt la distraire, ni les rires étouffés de quelques rapins groupés devant un Hercule, ni les shockings d'un troupeau bêlant de ladies égarées, ni le ronflement en mineur du gardien, ni même la présence du grand palot qui se tenait debout derrière elle. Parfois seulement, de jolis gestes d'impatience, attitude boudeuse d'écolier qui vient de faire un pâté sur sa copie, langue rose que l'application amène au coin des lèvres, mie de pain 20 fois émietté au même endroit, tout le manège exquis et coquet de la femme artiste, en tête à tête avec le modèle dont l'implacable perfection la désespère. En face, la Diane avait l'air de poser tout exprès pour elle seule, avec sa jambe longue et grêle, tendue en arrière, et sa bouche dédaigneuse. Et la biche aussi, ramassée sur elle-même, prête à bondir, arrondissant en parenthèse ses deux pattes sèches et nerveuses, semblait attendre que la jeune fille eût fini pour se coucher auprès de la chasseresse et lécher ses pieds blancs. Et tout autour, sur des piédestaux et des socles de marbre vert, jaspé, violet, gris, bleuté, polychrome, se dressaient les mercures prêts à s'envoler. Les satyres aux oreilles pointues, aux pommettes saillantes, secouées de fou rire et soufflant dans des flûtes. Les athlètes, rattachant leurs sandales, le tibre, indolemment couché sur son lit d'herbe limoneuse, Esculape avec son serpent, le discobole, tranquille, fier, Cérès, Apollon, Silène et Bacchus, les faunes chevelues qui gênent en portant sur leurs épaules des architraves, Cybèle, agitant son tambourin, les lions en basalte vert d'Égypte, qui font rouler sur leurs pattes en velours des boules de marbre, jaunes comme leurs prunelles, Jupiter et les sages à barbe tuyautée, le front ceint de bandelettes, tenant tout grands ouverts leurs yeux d'aveugle, des yeux sans regard, comme devait en avoir Œdipe et Homère, et qui semblent plonger dans des profondeurs où la pensée de l'homme ne va pas. Le jour baissait. En hiver, la nuit vient vite. Brusquement, elle envahit la vaste salle, mit dans ses coins de grandes taches noires, déroula un store d'ombre devant ses hautes fenêtres, enveloppa ses statues d'une housse de ténèbres, épaisse et pourtant diaphane, à travers lesquelles l'œil pouvait distinguer, se détachant çà et là de vagues blancheurs, le contour fuyant d'une épaule, la grave d'un péplum, l'aile d'un caducé, les rondeurs d'une hanche, ou la courbe à peine indiquée d'une jambe délicate. Les Anglais avaient fini par trouver une porte. Les rapins les avaient suivis, se poussant et se faisant des niches dans le dos. Tout se taisait. L'horloge du Louvre sonna le quart, le gardien se secoua. « On ferme !» Sa voix roula sous les voûtes. L'écho la redit maintes fois et les antiques, bâillant, étirant leurs membres fatigués de l'éternité des poses marmoréennes, avaient l'air aussi de se chuchoter entre eux. « Enfin, on ferme !» La jeune fille se levait, rangeait son carton le long du mur, donnait une petite tape sur sa jupe, et tandis qu'elle prenait sa toque, accrochait l'espagnolette de la croisée, lentement, avec des souplesses de chat qui guette un oisillon. Le palot avançait la main, saisissait le gros morceau de mie de pain posé sur le tabouret, entre la voilette et le plumier, le cachait dans sa poitrine, et restait là, debout, stupide, cloué aux dalles, le cœur lui battant comme une cloche, ne voyant rien, n'entendant même pas la voix du gardien moustachu. « Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que vous faites là, puisque je vous dis qu'on ferme ?» Ce n'était pas ce pain appétissant qui réjouit l'œil et qui sent bon, ce pain blond, fauve, qui est de la mie comme une brioche pour les gencives des vieux, et des croûtes dorées pour les dents pointues des jeunes, ce pain qu'on dévore à pleines lèvres, en songeant aux moissons, en bénissant Dieu qui le donne, et les boulangers qui le pétrissent la nuit, de leurs forts bras blancs, pour l'apporter le matin tout chaud à l'homme qui s'éveille. Non, c'était un pain rassis, dur, noir, un pain bourrant, qui chargeait l'estomac sans le nourrir. Et pourtant le palot ne le trouva pas trop amer, puisqu'il était là, le lendemain, à la même heure, à l'affût, derrière la grande fille qui dessinait, toujours aussi absorbée. Et les choses se passèrent comme la veille. L'horloge eut le même tintement pour sonner la même heure. Avec la même voix de la veille, le gardien lança son avertissement monotone. La jeune fille se leva. Le morceau de pain, un couteau énorme, superbe, était sur le tabouret. Comme la veille, il ne demandait qu'à se laisser prendre. Le grand sournois avança la main, mais dans sa précipitation, il heurta le tabouret qui tomba. Et comme il demeurait immobile, tremblant d'avoir été surpris, enfonçant ses doigts dans ce pain volé, un flot de sang lui monta soudain au visage, et de larmes de reconnaissance envers la jeune fille, qui n'avait même pas tourné la tête, roulèrent sur ses joues amaigries. Le pain était tendre. Henri Lavedan.